La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. La radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Et la parole. France Culture. La radio. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. D'où vient donc le mot rabirou? Que d'aucuns traduisent par voleur, bandit, pillard, et d'autres par hébreu. Aujourd'hui, Jean-Marie Durand poursuit l'enquête et reprend les dossiers à des fins de réexamen. Son cours d'assyriologie au Collège de France se propose de résoudre l'énigme de l'étymologie du terme rabirou, lequel a fait couler beaucoup d'encre. L'érudition et l'humour permettent aux non-spécialistes de faire appel au simple bon sens. En effet, si le terme de rabirou désigne un peuple ou une ethnie, hébreu ou autre, on y trouve, comme dans toutes les populations du monde, des bandits et des voleurs et d'honnêtes et braves gens. Cette traduction tombe donc d'elle-même. Dans le cours que nous avons entendu hier, Jean-Marie Durand nous expliquait qu'en paléo-babylonien, rabaroum veut dire « partir pour des raisons politiques » et Rabotum signifie un corps d'armée. Seul, un spécialiste du site archéologique de Marie, comme l'est Jean-Marie Durand, pouvait analyser un terme comme rabirou, qui faisait à cette époque, du début du deuxième millénaire, partie d'un lexique vivant. Aujourd'hui, Jean-Marie Durand exploite d'autres traductions possibles et met l'accent sur le fait que dans les langues archaïques, seules les situations concrètes autorisent l'interprétation. On a vu que les rabirous étaient des gens qui avaient des moyens importants. Ils arrivent avec femmes et enfants, ils ont de l'or, ils ont de l'argent, ils montent une opposition structurée. Il faut des moyens pour faire ça. Et je vous avais dit, il ne faut pas assimiler le rabirou à notre émigré, qui est quelqu'un, si vous vous souvenez, qui arrive quelque part, qui est pauvre, qui n'a pas de moyens, qui doit rentrer dans une société... et qui triomphe parce qu'à la deuxième génération, son fils devient alors milliardaire, président de ceci ou de cela, etc. Alors, nous allons voir maintenant un deuxième aspect de cette racine, de cette notion de partir, qui est partir pour des raisons économiques. Et ça va bien vous montrer que cette notion de partir, elle doit être spécifiée de l'intérieur chaque fois. Alors, ce verbe « sagoum », dans le HV, c'est le dictionnaire de Franz Oden, qui est la version allemande du dictionnaire, ben, il n'existe pas. Donc c'est simple, le mot n'existe, le lemme n'existe pas. Dans le CAD S, page 28, vous voyez, il y a écrit « faire une razzia ». Ça c'est normal, comme ce sont des bédouins agressifs. Et puis, en même temps, vous voyez, « to raid », vous avez un astérisque. Un astérisque, ou une astérisque, dans le dictionnaire de Chicago, ça veut dire « seul emploi connu ». Seul emploi connu. C'est un apax. Il se trouve à l'heure actuelle que le terme n'est plus du tout apax, qu'on a beaucoup d'exemples, et c'est à partir de ces exemples qu'on va essayer de le définir. Alors, pour tout vous dire, le CAD le met à « sagoum », c'est-à-dire « S-A-L-F-G », parce que quand vous avez une forme verbale, vous comptez le S et le G, et vous savez qu'il y a une voyelle, ce qu'on appelle une consonne quiescente. Bon, alors, la consonne quiescente, elle ne peut être que entre le S et le G, ou après le G. Alors, ils ont fait le pari de le mettre entre le S et le G, et 50% de chances de se tromper ou de réussir, on sait maintenant que le Aleph est après. Bon, ça, si vous voulez, ça fait partie des hasards de la recherche. Alors, je vous ai pris trois exemples. Je vous ai pris trois exemples pour qu'on va regardez un peu les contextes pour voir ce que signifie ce verbe « to raid », faire une razzia. Premier exemple que je vous cite, c'est fait par Dominique Charpin dans le compte-rendu du CADS. Il y a à la foire un petit jeu qui consiste, vous avez des pipes comme ça, puis vous avez un fusil et vous tirez sur les pipes. Bon. Et avec les inédits de Marie, Charpin trouvait très amusant de tirer sur les articles du CAD pour leur montrer que là... Le mot doit remonter de 5 siècles, que le Aleph a été mal positionné, que tel sens n'est pas bon, etc. Les gens du CAD n'ont pas trouvé l'article très drôle, n'est-ce pas? Mais il est quand même très utile et il est bon d'avoir une photocopie de cet article pour le mettre dans le propre CAD, que l'on le S du CAD, pour compléter l'information lexicale. Bon, les gens du CAD ont dit oui, tout ça c'est des documents inédits, donc on attend la publication. Pour l'instant, nous réservons notre jugement. Il y en a beaucoup qui sont dès maintenant à prendre tel qu'ils étaient. Alors, voyez, voici un premier exemple. 170 personnes, serviteurs de Monseigneur, ont faim. Il ne faut pas qu'il... Et puis le verbe s'agoum. Bon. Alors, un exemple de ce genre, là vous allez à la devinette. Qu'est-ce qu'on fait quand on a faim? Ben, on peut mourir de faim, ou bien on peut essayer de ne pas mourir de faim, et un bon moyen de ne pas mourir de faim, c'est d'aller razzier. Donc, dans ce contexte-là, razzier, ça peut très bien marcher. On va chercher le bien là où il manque. Voici un deuxième exemple qui a été publié par Lionel Marty, c'est un texte qui vient de l'ARSA, 2002, vous voyez, c'est tout à fait récent. Au sujet 2, alors là, il y a un nom propre. « Ne sais-tu pas que cet homme est un proche à moi et que ce n'est pas un étranger? Pourquoi des gens lui ont-ils demandé de... » Et vous revoyez le même verbe « sagoum » qui apparaît en disant « tu viendras avec nous ». Le sens de « razzier » pourrait à la rigueur rentrer là-dedans, mais il n'est pas excellent. La constitution d'une mission de razzia comme cela, ça n'éclaire pas beaucoup. Alors, voici le troisième texte qui, lui, est plus clair et qui est, rassurez-vous, conforté par d'autres exemples. Pour vous montrer qu'il y a des exemples qui peuvent renforcer le sens de razzier, d'autres qui s'y prêtent ou s'y prêtent pas, et puis il y a d'autres qui, au contraire, vont donner le bon sens. Ça fait partie de ARM 28, c'est-à-dire un de ces lots de textes qui vient de Syrie du Nord. Et c'est un verbe qui est attesté surtout dans Syrie du Nord. C'est la troisième année qu'à cause des criquets, notre territoire n'a pas fait la moisson. Et on n'a plus de réserve de grains. Le texte dit du vieux grain. Le vieux grain, c'est le grain qu'on n'a pas consommé, qui est du grain qui vient des années antérieures, qui forme la réserve. Vous voyez, le premier contexte, ce contexte qui va être très clair, se rappelle tout à fait 170 personnes. Serviteurs de Monseigneur ont faim. Les criquets, ils vont dans les champs manger le blé en herbe. Hein. Bon. Et non seulement il n'y a plus rien dans les champs, mais en plus on n'a pas de réserve. Donc c'est vraiment un contexte de famine. En revanche, le Yaptour sur la rive occidentale a du grain de réserve. Alors le Yaptour, c'est la région de Tal Hayoum qui se trouve dans la région de Viran Sheir, tout à fait dans le nord-ouest de la Haute Jésirée. Ils ont du grain de réserve et ils ont une moisson à faire, c'est-à-dire que les sauterelles n'ont pas dépassé le fleuve, elles n'ont pas franchi le fleuve. Et le Soumoum, d'où l'on l'écrit, c'est effectivement l'autre rive, la rive gauche du Haut Rabour. Tandis que nous n'avons pas de moisson à faire. Alors, nos hommes ont pris l'habitude de Sagoum dans le Yaptour, ainsi que dans le pays de Zalmakoum. Le Zalmakoum, je vous le rappelle, c'est la région de Rahan. C'est tout à fait encore plus à l'ouest, de l'autre côté des montagnes du Tourabdin. C'est dans la grande boucle de l'Euphrate. Nos hommes ont pris l'habitude de Sagoum dans le Yaptour, ainsi que dans le pays de Zalmakoum. Premier usage de ce terme. qui apparaît dans un contexte de famine, le sens de razzier et de faire un raid pour se procurer la nourriture conviendrait très bien ici. Et c'est le passage qui a été cité par le CAD pour signifier faire un raid, faire une razzia. Alors, le problème, c'est que le CAD, à l'époque, n'avait à sa disposition qu'une citation fugitive faite par un proto-éditeur qui n'avait pas trouvé bon d'éditer tout le texte. Et c'est très dangereux d'avoir un contexte qui est limité à une phrase où l'on croit que le sens est assuré, et quand vous avez toute l'histoire, vous vous rendez compte que le sens n'est pas du tout assuré. Parce que regardez ce qui se passe après. Voici maintenant que le texte est complètement connu. Mais les gens du Yabtour, lorsqu'ils ont vu que nos gens allaient pour Sagoum au Zalmakoum, se sont fâchés contre nous. Or, vous avez déjà vu que le Zalmakoum et le Yabtour, ils sont réellement chien et chat. Hein. Ce sont des gens qui sont tout à fait opposés, qui ne sont pas du tout amis-amis. On sait maintenant que de part et d'autre de la montagne, on ne s'entend pas du tout. Alors, les gens du Yabtour avaient déjà entrepris de ramener Ascouradou à l'intérieur. Ascouradou, c'est un de ces proto-rabirous qu'on avait vu parallèle à donc Michael Guichard, vous avez évoqué la figure. Ils avaient déjà entrepris de ramener Ascouradou à l'intérieur du pays en disant « Voilà l'homme par lequel nous allons nous venger du Soumoum. » Maintenant, ils ont de plus saisi nos gens qui étaient entrés chez eux pour du grain. Ils ont ligoté une trentaine de personnes de ma contrée et 20 bœufs se trouvent confisqués. Ces gens sont comme le bœuf qui, rassasié de pitance, dorne de la corne contre ses compagnons. Ils nous ont montré beaucoup d'hostilité et ils ont expulsé nos gens qui étaient venus pour Sagoum. Alors, vous voyez que le contexte ne marche plus pour Azier. Ça ne marche plus. On se rend compte que, en réalité, les gens du Soumoum, c'est la famine, ils ont besoin de grain, et la façon de se procurer du grain, est connotée par la notion de Sagoum. Bon. Ils vont dans un pays qui leur est hostile. Ce pays qui leur est hostile, c'est marqué par le fait qu'ils veulent se venger de leurs voisins, et ils commencent déjà par leur faire revenir un des plus terribles trublions de l'époque, Ascouradou, qui va semer le désordre dans le pays. C'est le premier grief que l'on a par rapport à ces gens-là. Donc ce sont des gens qui, ils entretiennent l'opposition, ils soutiennent l'opposition. Bon. Deuxième chose, vous voyez, les gens qui sont rentrés chez eux pour faire du grain, eh bien, ils en ont ligoté une trentaine et ils ont saisi 20 bœufs. Il est bien évident que si vous êtes dans un contexte de razzia, vous ne pouvez pas le leur reprocher. Vous ne comprenez pas pourquoi les gens se fâchent. Ils leur disent, ils nous font venir l'opposition, ils soutiennent notre opposition, on va chez eux pour faire du grain. Ils ont ligoté les gens, ils ont saisi les bœufs. Les bœufs sont là pour transporter le grain, bien sûr. Bon. Et ils se trouvent en même temps tout à fait hostiles au fait que nous allions encore plus au-delà chez leurs ennemis, qui est le Zalmakoum. Ils devraient se réjouir que ces gens qui sont affamés aillent rasiller le Zalmakoum. Et vous voyez, en plus, pour que ce soit plus clair, eh bien, on cite un proverbe, ou une expression proverbiale, ou une marque de sagesse populaire. Ces gens sont comme le bœuf qui, rassasié de pitance, donne de la corde comme ses compagnons. Ce sont des gens qui ont du grain de réserve. Ils ont du grain dans leur champ. Ils sont comme le bœuf qui est rassasié de pitance. Et le bœuf rassasié n'est pas partageux. Il donne de la corne contre les gens qui viennent brouter là où ils broutent, ou qui viennent prendre son picotin. Je ne sais pas si on dit picotin pour un bœuf, mais vous comprenez l'image. Bon. Alors, Est-ce que c'est un contexte de razzia? Non. C'est un contexte de « ils ne sont pas partageux ». Et « sagoum » à ce moment-là, plutôt que d'être un verbe qui signifie « razzier », c'est un verbe qui signifie « chercher de quoi avoir à manger ». Et vous voyez, ils nous ont montré beaucoup d'hostilité, ils ont expulsé nos gens qui étaient venus pour sagoum. C'est-à-dire que sagoum, ça revient à dire venir chercher chez autrui le grain que l'on n'a pas chez soi. Alors, c'est pour cela que il est extrêmement intéressant de se rendre compte que par rapport à sagoum, il existe un substantif sougoum qui signifie la famine. La famine. Alors, sougoum, c'est une des tartes à la crème de la sériologie. Parce que le terme, on n'en connaissait pas du tout l'étymologie. Et le problème, c'est de savoir, est-ce que c'est un bon nom sémitique ou est-ce que c'est un de ces innombrables termes sumériens. Et dans les dictionnaires, le terme de sougoum, que désormais je vais rattacher à cette racine S-G-A-F, est écrit la plupart du temps, c'est un terme qui se trouve dans les textes littéraires, et il est écrit par les deux termes que l'on prend pour des idéogrammes, le signe sou et le signe goussette. Alors, goussette, c'est le verbe qui signifie manger. Et sou, c'est la notion de corps. Et comment est-ce qu'on peut désigner la famine à partir de cela? Alors, c'est extrêmement simple. Quand vous écrivez un terme en sumérien, automatiquement, le choix du terme véhicule un sens. Parce que le sumérien représente un sens pour chacun des sons. Ce que l'acadien ne fait pas. L'acadien vous note un son pour un son. Et il y a eu toute une série d'étymologies qui ont été faites pour sougousset. Alors, sou, comme ça signifie le corps, a une autre valeur. Et quand j'étais jeune, on lisait couche, goussette. Couche ou sou, c'est le même son avec une signification différente. Couche, ça signifie le cuir. Et on disait la famine, c'est les gens ont tellement faim qu'ils sont obligés de manger du cuir. Et il est arrivé une chose dramatique, c'est qu'un de nos principaux philologues, le professeur Hickelborger, est allé un jour, il devait être inoccupé, voir un film célèbre qui s'intitule « La ruée vers l'or », où il y a une scène non moins célèbre, où vous savez qu'il y a une botte qui passe au courbouillon, et on a la preuve que deux famines, deux malheureux chercheurs d'or, eh bien, se tape une botte bouillie. Bon. Et il avait dit, voilà l'histoire. On fait cuire du cuir lorsque l'on n'a pas, etc. Alors, à l'heure actuelle, maintenant que l'on sait que la lecture, c'est pas couche-goût, mais sous-goût, parce qu'on a d'autres raisons de le savoir, on considère que sous-goût est en réalité, sous signifie la viande, et ce sont de l'anthropophagie. C'est de l'anthropophagie. Ce sont des histoires du genre de ce que mon éminent collègue Zaccanini vous avait raconté la première fois. C'est qu'on fait des brochettes de bébés quand on a faim. On mange des cadavres ou on tue des gens pour les manger. C'est-à-dire, tout siège un petit peu célèbre à des histoires de ce genre où les assiégés qui ne veulent pas se rendre sont obligés de manger ce qui leur reste. Alors, dans la littérature classique, avec Carthage et Numance, on a des... C'est vrai que ce sont des sémites aussi, oui, bon. Bon, on a des histoires abominables de mères qui mangent des enfants, qui sont morts de faim à leur sein, etc. Bon, peu importe. Alors, ce terme de sougou qui signifie la famine, moi je suis persuadé à l'heure actuelle que les écritures par sougoussette, ce sont des écritures savantes des textes littéraires, mais qu'en réalité, le terme acadien n'est pas emprunté au sumérien, parce que ce serait du sumérien macaronique, ce truc-là. et que, en réalité, c'est un dérivé de la racine SG Aleph qui signifie avoir faim. Partir, parce qu'on appelle le sougou, c'est la carence d'aliments qui fait que vous êtes obligé de partir de chez vous pour aller chercher une pitance. Voilà. Donc, voilà un mot de plus de sumérien en acadien qui disparaît. Alors, vous me direz, quelle est l'étymologie de sagoum? L'étymologie de sagoum, elle me paraît absolument claire. C'est le terme qui existe encore en araméen, sga, qui signifie partir. Alors, le texte araméen qui représente une littérature très évoluée par rapport à nous, beaucoup plus évoluée, qui se rapproche du Christ, alors que nous sommes au 18e, 19e siècle auparavant, a gardé un sens neutre, qui est de partir, alors que, à l'époque ancienne, c'est partir dans un but précis, qui est d'aller chercher à manger. Et c'est normal qu'on parte, comme je l'avais dit au départ, que l'on parte d'un sens très concret, et puis que le sens s'use et devienne un sens de plus en plus neutre, de plus en plus non connoté d'une façon particulière. Alors, il est tout à fait normal que, à côté de ce terme, alors sagoum, il y a des exemples, il n'y en a pas énormément, mais en revanche, il y a un terme qui est très bien attesté, qui est sagitum, celui que je vous ai noté en dessous. Après les emplois verbaux, vous avez les emplois substantifs. Et qu'est-ce que le sagitum? Le sagitum, ça vous montre toute une série d'anecdotes dans lesquelles vous avez un groupe d'hommes. Le féminin sert très souvent à former des collectifs, dans la langue sémitique. En indo-européen aussi, d'ailleurs. Et le sagitum, c'est une collection d'hommes qui, manifestement, ont des problèmes, qui peuvent, effectivement, avec qui on peut avoir, effectivement, avoir des problèmes de son côté, mais qui n'ont certainement pas les moyens de faire de grands raids. Et ce ne sont pas des choses qui sont très menaçantes d'un point de vue militaire, comme les autres termes que l'on a pour désigner le commando qui vient faire un coup de main et qui repart avec un butin considérable. Et alors, on voit très bien comment se présente le sagitoum. C'est un exemple nouveau de cette racine, un exemple de plus de cette racine nouvelle. Ce sont des gens qui se sont constitués en bande pour aller chercher de la nourriture là où il y en a. Alors, en voici un exemple qui est tiré de ARM 28-117. Donc, ce sont toujours des textes qui se passent dans le nord de... On ne quitte pas le même milieu. En parlant de gens, il vous dit « Ce n'est qu'une sagitum formée de gens de l'Idamaras et du pays tout entier qui passent et qui repassent. » Il y a des gens qui vont dans un sens et dans un autre. On ne dirait pas ça de gens qui viennent piller. On n'emploierait pas ces termes-là. Qui peut trouver quoi dans une sagitum? En fait, alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez les rabirous à côté, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple, parce que vous avez, ça rentre dans une opposition contextuelle avec le terme rabitou. En fait, les rabirous qui étaient aux côtés d'Ascouradou sont partis aux Almakoum, et Ascouradou reste tout seul. On est dans un moment où il y a une disette considérable, les gens se sont formés en bande pour aller chercher de quoi manger à droite et à gauche. Les rabirous, eux-mêmes, ben, ils sont comme tout le monde, leurs ressources sont fondues, et ils sont partis dans le Zalmakoum chercher de quoi manger, et leur chef est resté tout seul. Bon. Et le texte poursuit, pour préciser le moment, autre chose. Dans le pays, les pluies sont constantes, donc c'est bon signe. Ça, la pluie est toujours un bon signe. Est toujours un bon signe, même encore à l'heure actuelle, même si la pluie qui tombe a rempli tout en fondrière et la voiture est bloquée, qu'on n'arrive pas à démarrer, etc. Mais c'est la bénédiction de la pluie tombe, donc il faut se réjouir. Déjà à l'époque, c'est etc. Que mon Seigneur donc se réjouisse. On est donc soit au début de l'hiver, soit à la fin de l'hiver, au moment de la Haute-Jésirée, au moment où il y avait pluie. Il est plus vraisemblable, d'après le contexte de 28-117, qu'on est à la fin de l'hiver. Donc, on est au moment de ce qu'on appelle la soudure. Toutes les provisions sont terminées. On n'a pas encore, il n'est pas question encore de faire de la, une récolte. Le blé commence à peine à pousser. On est loin de la récolte. Et à ce moment-là, la famine est complète parce qu'il n'y a pas de réserve. Et il est constant dans, à cette époque-là de voir qu'il n'y a jamais de réserve. Le blé vieux, comme on dit, le blé des années précédentes est quelque chose de rarissime. Alors, c'est très intéressant d'avoir ce genre de contexte, n'est-ce pas? De perdre un verbe qui signifie faire un raid, alors que le vocabulaire de faire un raid est très bien documenté dans le texte par des verbes précis et techniques qui suffisent à former un corpus abondant. Alors, on n'a pas besoin de les rajouter par un verbe nouveau. Et, en revanche, le sens spécialisé de Sagoum fait apparaître toute une série d'exemples qui vont trouver leur écho dans des histoires de la Bible qui ne seraient pas documentées autrement. Et je vous ai mis dans la Genèse des exemples qui sont tout à fait célèbres. Dans Genèse 12-10, à l'époque d'Abraham, il y eut une famine dans le pays, et Abraham, il s'appelle Abraham à l'époque et pas encore Abraham, descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grave dans le pays. Deuxième passage, Genèse 26-1, il y eut une famine dans le pays. Isaac alla à Guérar vers Abimélec, roi des Philistins. C'est le moment où on lui dit, ne va pas en Égypte. Vous voyez comment les choses se passent. C'est quand on n'a plus de réserve et que les terres ne rendent pas, les gens partent en groupe, et c'est ça la sagittum. Ils partent en groupe et ils vont dans un autre pays pour essayer de se procurer du grain. Ça vous donne la clé de toutes les autres histoires. Pour le Tal Rayoum, la région de Tal Rayoum, avec le Yabtour ou le Zalmakoum. Et alors là, quand vous allez dans un pays qui a du grain alors que vous n'en avez pas, eh bien, ou bien vous êtes bien accueilli, ou bien vous êtes mal accueilli. Et ça vous donne la clé de, ces gens sont comme le bœuf qui rassasié de pitance, donne de la corde contre ses compagnons. Les gens ne veulent pas partager ce qu'ils ont. Et effectivement, que si la famine est générale, la sagesse consiste à en garder le plus possible pour soi. Alors, les autres exemples que je vous ai donnés, l'autre exemple naturellement est fameux entre tous, c'est Genèse 41-56. C'est fait partie du roman de Joseph. La famine s'étendit sur toute la surface du pays et Joseph ouvrit tous les dépôts. Alors, c'est l'homme prévoyant parce que, bon, il avait triché puisqu'il avait eu un message divin qui lui avait montré, vous savez, les 7 vaches maigres et les 7 vaches grasses. Bon. Alors, il avait fait des réserves. C'est ça ce qu'on appelle le blé vieux et qui pose d'ailleurs des problèmes de compréhension dans nos textes. Mais les textes de Marie montrent que le chez Libir, le Sheum Labirum, maintenant les contextes sont très très clairs, c'est le blé qu'on n'a pas consommé dans les années précédentes. Et Joseph ouvrit tous les dépôts, il vendit du blé à l'Égypte. La famine devint dure au pays d'Égypte, mais tous les pays venaient en Égypte pour acheter du blé à Joseph. Et je trouve extrêmement rassurant au point de vue construction de l'histoire, d'avoir enfin, dans un contexte mésopotamien, les équivalents de ces textes bibliques. C'était des histoires qui manquaient. Et c'était complètement scandaleux que ces histoires manquent. De nous décrire, on avait besoin d'avoir, on avait plein d'exemples de gens qui partaient pour des raisons politiques et aucun exemple de gens qui partaient pour des raisons économiques. Mais alors maintenant, on les possède. Alors vous me direz à Marie, il n'y a pas beaucoup d'exemples. Mais heureusement, c'est comme il y a 14 ans de règne de Zimrilim, il ne faut pas que vous en ayez tous les ans. Alors, Zimbrilim, d'ailleurs, lui, vous dit à un moment donné, ça fait 3 ans que je n'ai pas pu faire la récolte tranquille dans mon pays, donc on sait qu'il y a eu des périodes, de disette dans le royaume de Marie, et on sait maintenant qu'il y a eu des invasions de sauterelles, ou des criquets, je ne sais pas, très importantes dans le nord de la Haute-Jésirée. Voilà maintenant des choses qui nous permettent de remettre la documentation en ordre. Et je vous ai cité un passage qui est toujours un petit peu oublié de Route 1-6 pour montrer que ce n'est pas uniquement des histoires de la geste des patriarches, mais Noémie, c'est-à-dire la belle-mère, hein, se leva, elle et ses belles-filles, et s'en revint de la campagne de Moab, car elle avait entendu dire que Yahvé avait visité son peuple pour leur donner du pain. Et là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que vous avez l'exemple, non pas au niveau de la tribu, mais au niveau de la famille. Parce que c'est une vieille femme dont les deux fils sont morts, elle est avec uniquement ses deux belles-filles, elle forme une toute petite unité, et on la voit qui quitte son domaine pour aller ailleurs chercher le grain. Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, vous savez qu'elles vont glaner. Elles rentrent dans les champs et elles ramassent les gerbes, ce qui tombe des gerbes, et ça fait partie. C'est là qu'on se rend compte que c'est une coutume qui est certainement très importante, parce que il y a, d'un point de vue vie, concept de vie, l'ordre qui est donné de ne pas tout ramasser, mais d'en laisser. Pour que les pauvres puissent passer après, puissent glaner. Alors naturellement, Boaz, qui est un homme très généreux, demande qu'on en laisse un peu plus que d'habitude. Hein. Bon, ça c'est pour la beauté de l'histoire. Mais on voit très clairement que la glane est un droit que les gens ont. Donc, partir dans un autre pays, où on peut faire la moisson, c'est certainement avoir le droit de pouvoir participer à la glane de ce qui est laissé après la moisson. Alors, tout ça, ça rentre dans un contexte tout à fait différent, et ce n'est pas le seul point de rencontre spectaculaire qu'il y a entre les activités des champs et les à l'époque amorite et les activités des champs à l'époque biblique, où l'on voit les femmes qui trient le grain le soir, par exemple, de la même façon que dans le livre de Ruth, ou bien au palais de Marie, de la même façon. On prend les épis et on les nettoie le soir. Ça fait partie des activités de la femme lorsque la nuit est tombée et qu'on ne va pas dans les champs. Je pourrais multiplier les exemples, mais un seul suffit. Il me semble que celui de 28-79 est suffisamment clair. Parce que pour rentrer dans le détail, il faudrait voir les textes en acadien, si vous voulez, qui est un plaisir, certes, mais qui supposerait que vous puissiez le goûter complètement. Voilà un deuxième exemple, c'est celui de Sagoum, qui est rattaché au verbe qui n'existe plus qu'à l'époque récente comme Sga pour signifier partir, comme Rabarou peut être certainement rattaché à Eberou pour signifier franchir la limite pour partir, notre racine, et vous en avez des restes en babylonien dans le terme de Sougoum qui signifie la famine. Alors, les racines sémitiques apparaissent pour disparaître. Et il y a beaucoup de racines qui sont documentées à l'époque amorite, que l'on voit disparaître, qui sont ensuite, alors qu'elles sont extrêmement actives à l'époque de Marie, et puis il n'y a plus que quelques taches lexicales qui restent à droite et à gauche, et qui doivent être, rattachées à des exemples plus anciens. Voilà donc deux exemples concrets de partir, Rabaroum pour des raisons politiques et Sagoum pour des raisons économiques. Alors, ce que je vous ai mis après, eh bien, c'est qu'en réalité, quand on cherche, il y a encore beaucoup d'autres verbes pour signifier partir d'une façon concrète. Et vous avez un exemple qui est extrêmement courant, qui est Nasaroum, qui signifie arracher, et qui est employé dans le sens de changer la résidence de quelqu'un motu proprio, par un ordre venu d'en haut. Alors, c'est là-dedans qu'il y a tous les termes qui signifient les déportés. Alors les gens vous disent, c'est un verbe terrible parce que c'est des portées de guerre. Certes, ce sont les exemples qui nous interpellent le plus. Mais faire partir la population d'une ville, l'arracher de chez elle, pour la mettre ailleurs, dans des motifs de réorganisation de l'espace humain, nous sommes accoutumés à y faire très attention parce que tout l'art néo-assyrien en parle. Et nous avons le souvenir de la déportation à Babylone de la population de Jérusalem, etc. Seulement, c'est le même verbe Nassaroum qui est employé pour indiquer que l'on demande à un fonctionnaire de changer de place. Et quand vous mutez un fonctionnaire, est exactement le même verbe que celui d'arracher à son domicile des gens pour les transplanter ailleurs. Nassaroum, par exemple, l'homme qui est muté de mari dans le Nord, mais et qui reçoit une promotion, c'est Nassaroum, parce que je vous l'avais déjà expliqué dans d'autres contextes, il perd son champ alimentaire dans la région de Mari et on lui redonne ailleurs. Ça s'accompagne de beaucoup de plaintes parce que naturellement on lui prend toujours un très beau champ et on lui redonne un champ à voir. Bon, les fonctionnaires actuels qui sont mutés quelque part, ben, perdent aussi des habitudes chères et ce n'est pas toujours accueilli avec le sourire. Bon, je vous laisse closer là-dessus. Il y a deux autres verbes encore à se rajouter pour vous montrer la richesse du champ sémantique. Vous avez deux verbes qui sont le verbe abatum, aleph bété. Alors, je les ai mis en racine parce que ce sont des différents états de la racine et je ne peux pas vous commenter les conjugaisons particulières. Hein, bon. L'acadien fonctionne comme l'hébreu et l'arabe, mais avec ses modalités propres. Donc on ne peut pas expliquer par l'arabe toutes les formes babyloniennes. Voyez le verbe abatum et halakum. Quand vous regardez dans les dictionnaires, vous avez chaque fois deux verbes. Alors on les appelle A et B. Mais parce que c'est simple, quand vous faites un dictionnaire à l'heure actuelle, de distinguer massivement des sens, mais en réalité, ce sont des spécificités d'un sens primitif, parce que le sémitique fonctionne à partir de racines de consonnes constitutives dans un ordre, et très souvent, nous, contextuellement, nous les distinguons, mais primitivement, il ne faut pas les distinguer. Et vous vous rendez compte que ces deux verbes ont en commun le fait qu'ils notent soit s'enfuir, soit détruire. Alors, massivement, on vous dit détruire quelque part, faire partir quelqu'un, etc. Bon. En réalité, abatum, s'enfuir, c'est toujours dans un contexte militaire. Et halakum, c'est le plus souvent dans un contexte économique. Par exemple, on dira halakum en parlant d'esclaves qui s'en vont, d'une maison qui est détruite, alors une maison qui est détruite, pas une maison physique, mais une maison dans le sens de maisonnée, une maison qui se dissout, qui perd sa constitution. Et abatum, eh ben c'est là que vous allez avoir les gens non contents, qui sont pas très contents du service militaire et de l'enrôlement qui leur est tombé dessus, et qui profitent d'un bivouac pour partir à travers les champs, rejoindre des cieux plus favorables. Bon. Et on peut se demander quel rapport il y a entre les notions de s'enfuir et les notions de détruire. Bon. Et en réalité, vous avez là derrière la notion de quelqu'un qui, en partant, détruit une unité que sa présence constitue. C'est ça qui est. Et quand vous essayez de regrouper tous les exemples, vous voyez que les deux verbes signifient un seul. Quelqu'un qui, un esclave qui fait partie d'une maison, c'est une force de travail dedans. Il n'est pas là simplement pour faire joli. Hein, bon. Et même s'il y a de belles échansonnes, comme tu nous l'as montré ce matin, bon. Si ces gens s'enfuient, toute l'organisation économique s'en va. Et à ce moment-là, la maison est détruite. Si des gens, des militaires s'enfuient, deviennent des munabitous, c'est-à-dire des gens qui partent et s'en vont au lointain, partent chez l'ennemi ou partent chez le voisin, c'est la dissolution complète, naturellement, de la maison. Et ce qui est très important, c'est de se rendre compte que pour le verbe abatum, s'enfuir, c'est le verbe propre hébreu aleph bd qui signifie l'errance. Lorsque vous avez dans le Deutéronome la grande prière, mon père était un araméen errant, Arami Oved, c'est sur cette racine-là qui signifie s'enfuir. S'enfuir en babylonien, mais en hébreu, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas d'endroit où se fixer. Quelqu'un qui est un errant. Ce que vous avez dans la racine NGS que je vous avais documenté à un autre moment, qui est le mutagishum, l'homme qui est sans feu ni lieu, et qui s'en va à volo. Mais en hébreu, la racine Aleph BD, c'est celui qui note aussi la petite brebis qui s'est perdue. Alors, il est bien évident que Jacob ou Abraham, quel que soit celui qui parle dans le Deutéronome, il y a deux explications différentes qui sont données. Il est bien évident que celui qui est un araméen errant, comme nous le traduisons d'habitude, il ne l'est pas de la même façon que la petite brebis qui s'est perdue. N'est-ce pas? Mais d'un côté, il y a un troupeau qui se dissout, elle s'éloigne d'une communauté. Et de l'autre côté, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à fixer sa communauté, qui n'arrive pas à s'établir. Bon. Donc, vous voyez que toute la complexité qu'il y a dans ces champs sémantiques, chaque fois la spécificité de la notion de départ, auquel s'ajoute la notion de ne pas pouvoir s'arrêter, et je ne voulais pas taper, mais il y a un dernier verbe qu'il faut introduire. Il y a un dernier verbe signifiant partir, qui est formé par la racine P, ta et R, ta pointé et R, et qui signifie rompre quelque chose que l'on a constitué. Alors, vous allez le comprendre tout de suite, je vais vous donner des exemples. C'est le fil du collier qui se brise. Bon. C'est, d'autre part, le soldat qui rompt les rangs. C'est-à-dire que vous attaquez, et puis on vous résiste, et bien à ce moment-là, le verbe patarum est employé, vous rompez les rangs, vous êtes obligé de rebrousser chemin. Bon. Vous n'êtes pas content d'être soldat, vous partez, vous quittez votre rang avec votre barda, vous évacuez votre place, c'est ça patarum. On traduit à ce moment-là par déserter. Parce que nous n'avons pas en français, nous n'avons pas ce vocabulaire très concret, nous avons un autre concret à nous. Alors nous sommes obligés de dire rompre les rangs, mais il reste dans l'armée. Ils désertent parce qu'ils rompent les rangs, mais ils s'éloignent de l'armée. Nous distinguons les choses de ce genre, etc. Et puis, dernier contexte qui est quand même beaucoup plus beau, vous laissez le soldat revoir sa famille quelque temps, faire ses petits travaux chez lui, et ça, c'est le même verbe patarou, ça signifiera envoyer en permission quelqu'un. Et ce sera le permissionnaire. Et il est bien évident que aller faire un article de dictionnaire avec un verbe qui signifiera arrêter un assaut, déserter, aller en permission, et puis rebrousser chemin, se casser en parlant, etc. Il est bien évident, nous n'avons pas les mêmes concrets. Donc vous voyez comment fonctionne cette langue. Elle a des spécificités qui est que c'est partir d'un contexte chaque fois extrêmement précis. Alors, il est naturel que, à partir du moment où vous définissez un champ sémantique d'une façon aussi précise, il est normal que vous ayez un verbe qui signifie partir pour des raisons politiques. Ce n'est plus un sens trop précis, c'est une case à remplir dans une vision du monde qui n'est pas la nôtre. Hein, voilà. Et fondamentalement, ce qui importe à ces bédouins, c'est comment on part, comment on s'arrête. Alors, si vous regardez la suite de l'exposé, eh bien, après les synonymes, je vous ai mis les antonymes. De la même façon que vous avez toute une série de façons de dire « partir », ça, je voudrais vous faire comprendre à quel point derrière ce problème de « est-ce que Rabarou a un rapport avec hébreu et tout le reste ?» il y a une richesse lexicale absolument fantastique qu'on ne peut pas nier. C'est-à-dire que les gens qui prennent un terme dans une langue, un terme dans une autre langue, et qu'ils mettent l'un à côté de l'autre, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Il faut rentrer dans le concret des langues et voir après comment ça fonctionne. Alors, restez, eh ben, les gens vont regarder d'une façon très précise la façon, par exemple, pranum, c'est un verbe qu'on a vu très souvent, ça signifie habiter sous la tente. Nous habitons. Et puis après, on vous dit où vous habitez dans des compléments. Sous la tente, dans une maison, dans une ville, sous un champ, etc. Là, vous avez des verbes particuliers qui vont vous spécifier. Hein, bon. Alors, vous avez ranum, qui signifie habiter sous la tente. C'est les fameux rana, qui sont les bédouins qu'on a vus et entrer en errance un petit peu à droite et à gauche. Bon. Et puis, vous avez, en échange, le verbe betum ou biatum, qui signifie avoir un abri pour la nuit, c'est-à-dire avoir une maison. Et vous avez l'opposition à ce moment-là. Alors, c'est devenu la maison dure, ce que vous trouvez dans la ville, mais que vous trouvez aussi dans les champs. Hein, ce sera le bitum, ce pourrait être une formation de ferme que vous pourrez avoir isolée au milieu d'un champ. C'est pas uniquement un espace urbain. Et puis alors, vous avez en plus la notion de, je vais prendre tout de suite les deux autres, sakanum et washaboum. Et sakanum, qui est une racine que l'on a vue aussi en abondance, ça signifie s'installer transitoirement quelque part. C'est-à-dire que faire halte, c'est l'image des troupeaux qui font toute leur errance d'un endroit à un autre du Proche-Orient. On s'arrête quelque part, mais on sait qu'on va en repartir. Donc à ce moment-là, vous avez le verbe s'arrêter. Mais c'est un verbe, vous ne pouvez pas le traduire uniquement par s'arrêter, parce que c'est un verbe dans lequel vous faites la notion de bétil, c'est ce qu'on avait vu l'année dernière, quand on avait le sicanum, et qui représente la pierre que l'on a levée. Ça peut représenter aussi le campement bédouin qui peut durer plusieurs temps. Ça peut signifier aussi et le palais royal dans lequel le roi va construire dans un espace urbain qui sera cerné par des murailles. Donc, traduire le verbe par s'arrêter, oui, ça marchera pour toutes les fois où vous avez un troupeau qui va s'arrêter pour la nuit. Mais quand vous faites un sakanum dans lequel le roi va s'installer sa maison et dans lequel il y aura les tombes ancestrales et où il va mettre sa salle du kispou et tout le reste, traduire ça par arrêt, ça veut dire maison, ça veut dire palais, ça veut dire il faut que nous l'identifions d'une autre façon. Et là aussi, il y a un concret que nous n'arrivons pas à obtenir. Et alors, naturellement, la notion intermédiaire entre les différentes sortes d'habitations et les différentes sortes d'installations, c'est le verbe waradum, que nous traduisons couramment par descendre, et qui en réalité signifie venir d'un pays haut vers un pays bas. Pourquoi ? Parce que les pays hauts, ce sont les régions de steppe qui sont les territoires de parcours, les endroits bas, c'est là où vous avez le lit des fleuves et vous avez de l'eau. Alors, waradum, descendre, ça signifie, à part le mouvement physique concret, venir se mettre au service de quelqu'un. Et vous avez, dans la définition des bédouins, ils vous disent, à la bédouine, Nous sommes des Yaradou, parce que en ouest, on dit le we est remplacé par ayod. Nous sommes des Yaradou, c'est-à-dire nous sommes un jour venus nous installer ici. Ou bien nous ne sommes pas des Yaradou, nous sommes des gens qui continuons à migrer. Et il est tout à fait caractéristique que ce soit la racine sur laquelle a été construite la notion de serviteur. Celui qui est descendu, il a été accueilli par des gens qui étaient au bord de l'eau, qui avaient constitué leur propre maisonnée, et il devient à ce moment-là un wardoum, et il devient serviteur. Alors, les gens traduisent en général par esclave, ce qui n'est pas bon. Parce que le wardoum, c'est ce quelqu'un qui est au service de quelqu'un d'autre, le roi est lui-même wardoum pour ses dieux. Et les grands serviteurs de l'État sont des wardoum par rapport au roi. Traduire par esclave, c'est biaiser complètement la façon de comprendre l'autorité. Et puis, c'est normal que là-dessus, vous ayez le verbe qui signifie wuludum, wuludum, qui signifie honorer quelqu'un, lui faire honneur, se mettre à son service pour l'aider à faire quelque chose, etc. Vous voyez quelle est la conclusion de cette longue enquête à partir du terme de Rabbi Roum. C'est beaucoup plus compliqué que la question de savoir si Rabbi Roum est ou non l'étymologie d'hébreu. C'était Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France avec Jean-Marie Durand. Présentation, Christine Goémé. Réalisation, Jeanne Cherquefos. Thank you. Radio. Les voix. Les hommes. Les voix. Barbati, tu m'enseignes. Je me souviens. Dimana. Les hommes. Les voix. Mémoire vive. Memoria viva. Memoria viva. Tu m'impliques. La radio. J'apprends. Écoutez, vous êtes sur France Culture. Musique, théâtre, danse, cinéma, aimera toute la culture. J'ai vu des images à la radio. France Culture vous présente. Quand vous sortez, vous courez de tous les côtés parce que vous croyez que vous allez rattraper le temps. Entre octobre 2004 et avril 2005, Radio Libre a suivi dans leur vie quotidienne quatre hommes qui sortaient de 8, 20 et 30 ans de prison. C'est un long chagrin quelque part, mais c'est aussi un chagrin lorsque vous sortez pour les victimes, qui ne comprennent pas pourquoi vous êtes sorti. Et le chagrin ne peut s'apaiser que si effectivement vous faites quelque chose dehors, et de ne pas avoir accepté la prison uniquement comme une sanction. Un suivi régulier, un espace d'échange autour de ce que fut la vie derrière les barreaux, et aujourd'hui la vie rendue à l'air libre, les difficultés à se réinsérer, le rapport au temps, aux autres et à soi. C'est pour ça que j'aime pas trop cette culture judéo-chrétienne qui est dans la rédemption. Tu as fait souffrir, tu dois souffrir pour avoir la rédemption. Où est-ce qu'on va? Non, tu as fait quelque chose qui n'est pas normal selon les règles de la société. T'as tué, t'as violé. Pourquoi? Entre confidence et doute, coup de déprime et par moments aussi fou rire, les joies et les peines, plongées dans la vie de quatre hommes depuis leur sortie de prison, Radio Libre, demain à 15h sur France Culture. Le matin, c'est la plus belle image du monde. On devrait l'encadrer. Vous êtes sur France Culture. Notre matinée sur France Culture. À l'occasion du centenaire de Jean-Paul Sartre, célébré sur France Culture tout ce mois de juin, les chemins de la connaissance à 11h30 nous ont proposé toute cette semaine de revenir sur le phénomène Sartre et d'examiner les raisons d'une telle audience. Cinquième et dernier volet avec Annie Cohen-Solal, philosophe, auteur d'une biographie de Jean-Paul Sartre. 11h, fiction feuilleton, Manhattan Transfer de John Dos Passos.